Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Dupré 1862. Question 169. De la modestie dans l'appareil extérieur. L'appareil extérieur est l'objet d'une vertu ou d'un vice. Quel péché commettent les femmes qui se parent avec trop de recherche? 1. Les ornements du corps peuvent-ils être l'objet d'une vertu ou d'un vice? Les choses extérieures ne sont mauvaises que par l'abus qu'on en fait. L'abus dans les ornements du corps se produit de deux façons. D'abord, lorsqu'on blesse les usages des personnes honnêtes avec lesquelles on vit, ce que les mœurs de chaque pays regardent comme honteux, il faut l'éviter, nous dit saint Augustin. Ensuite, quand on a une affection déréglée pour ces sortes d'ornements, ce qui arrive par vaine gloire, par amour exagéré du bien-être et par sollicitude superflue, excès auxquels sont opposées trois vertus, l'humilité, qui exclut la vaine gloire, l'honnête suffisance, qui bannit l'amour des délices, et la simplicité, qui, s'accommodant toujours des événements, repousse les inquiétudes superflues. On peut pécher aussi par manque de soin dans l'ornement extérieur, et cela de deux manières, par négligence et par orgueil. Il y en a, dit le philosophe, qui laissent traîner leurs vêtements, faute de vouloir se donner la peine de les relever, et saint Augustin ajoute, l'orgueil se cache parfois sous des habits sordides dont il tire vanité. On le voit, les ornements du corps donnent matière à plusieurs vertus et à plusieurs vices. 2. Les femmes peuvent-elles se parer sans commettre une faute grave? Il faut raisonner de la parure des femmes comme des ornements extérieurs dont nous venons de parler. Avec cette différence qu'elle provoque les hommes à la luxure, ainsi que le marque ce passage des Proverbes 7, 10, voici que la femme s'avance parée comme une courtisane, cherchant à séduire les âmes. Il n'est pas défendu à une femme mariée de vouloir plaire à son mari, pour empêcher qu'il ne se laisse séduire par une beauté étrangère. Quant aux personnes qui ne sont point mariées, qui ne veulent pas se marier ou qui ne le peuvent pas, elles ne sauraient chercher à plaire dans le but de se faire désirer, ce serait exciter les hommes au péché. Se parer dans l'intention de provoquer à la concupiscence, c'est pécher mortellement. Se parer par légèreté ou par vanité n'est pas toujours un péché mortel, la faute est quelquefois vénielle. Ceci s'applique également aux hommes et aux femmes. Voilà pourquoi saint Augustin écrivait à Posidius, « Ne soyez pas trop prompt à blâmer l'usage des bijoux et des riches habits, excepté quand il s'agit de personnes qui, n'étant pas mariées et ne désirant pas l'être, ne doivent songer qu'à Dieu. Soyez indulgents pour les gens du monde. » Note. Les femmes qui, n'étant pas mariés, pensent sérieusement au mariage, peuvent certainement chercher à plaire par leur parure, pourvu toutefois qu'elles ne se permettent rien qui soit contraire à la décence, à la modestie chrétienne. On permet plus d'affiquer aux filles, dit saint François de Sales, parce qu'elles peuvent loisiblement désirer d'agréer à plusieurs, quoique ce ne soit qu'afin d'en gagner un à part un légitime mariage, confère Monseigneur Gousset. La coutume de rester la tête nue n'est pas une coutume louable chez les femmes, et cela n'est nullement convenable pour les femmes mariées, mais on peut excuser de pécher celles qui ne font à cet égard que suivre l'usage du pays. Quand saint Pierre défendait aux femmes de s'orner, il parlait à celles qui, méprisant leur mari malheureux, se paraient pour plaire à d'autres hommes. Saint Paul ne défend aussi que les ornements trop recherchés, et surtout ceux qui n'auraient pas un but honnête. 1 Timothée 2, 9. Il est permis d'employer le fard pour cacher quelques défauts ou quelques infirmités, sans servir pour se donner une beauté que l'on n'a pas, c'est une faute. Il y aurait péché mortel à se faire des dents des vues lascives ou par mépris de l'œuvre de Dieu. Il n'est pas permis de porter les vêtements d'un autre sexe, mais on excuse de péché celui qui les prend, soit pour échapper aux ennemis, soit faute d'autre habillement, soit pour une autre cause semblable. La confection des ornements dont on peut faire un bon et un mauvais usage n'est point illicite. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.